roue libre, quelle belle expression bien de chez nous. Arrêtez là, avec les sorties de Morano ces derniers temps, ça pourrait être mal perçu. Donc ce soir, Podcast Science fait du roue libre, donc, c'est-à-dire une émission où il peut tout se passer, où on fait des retours d'auditeurs et où vous allez surtout découvrir la formule ce soir. Nous sommes le mardi 20 octobre 2015, c'est Podcast Science numéro 234, bienvenue. Alors bon, on va commencer par un petit tour de table autour de nous ce soir. Donc, bien sûr, comme c'est des roues libres, j'ai rien marqué dans les notes, sinon ce serait de la triche. Autour de la table, on a un dictateur déchu râleur, Alan Von Lenten. Salut Alan. Non, dictateur déchu seulement. Dictateur déchu râleur, c'est toi. Ah bonjour. Merde. Donc un dictateur déchu râleur, moi. On a un Pierre Kerner, pas loin. Salut Pierre. Hello. Bon, tout ça, c'est en Europe, donc je précise plus les lieux géographiques. On a un Robin avec une boson qui pleure toujours en Europe. Salut Robin. Absolument. Elle ne pleure pas, je sais pas pourquoi tu dis ça. Ça y est, tu l'as mis sous un oreiller. Bon esprit. Et on a un Johan qui est de l'autre côté de l'océan. Salut Johan. Salut. Et je crois que c'est tout pour ce soir. On a Julie qui est à l'autre bout du monde. Si vous voulez une carte postale de Hong Kong, il faut nous faire un don à plus de 20$ et c'est envisageable. Et je crois que c'est à peu près tout pour les cartes postales qu'on peut avoir des endroits difficiles. Je crois qu'elle est même déjà rentrée, donc c'est trop tard pour la carte postale. Ah bon, bah c'est trop tard pour la carte postale. au sommaire de l'émission de ce soir, donc émission Roue Libre que vous découvrez, qui a un petit air de ressemblance avec les freestyles, mais pas que. On aura une rubrique fail de Robin. On aura la réponse au quiz d'Alan. Un blog audio de Johan. Des retours d'émission et un petit mot sur les dons. Et on aura des plugs, voilà. Bref, mais justement Robin, je crois que c'est à toi pour la rubrique ratage, à part si Alan avait un truc à dire. Non, quelques commentaires de vieux cons, mais non, c'est mal. Et t'es en train d'enregistrer là, au fait Ouais, je crois, on verra à la fin. Et okay. Quelqu'un d'autre enregistre ou pas? Si jamais on refait le freestyle, la roue libre dans une semaine, quoi, pas de souci. C'est ça. Micmat disait que c'était une bonne solution parce qu'il se trouvait mieux préparé la deuxième fois. Ah bah oui, forcément. Bref, bon, Robin, c'est à toi. Alors rubrique ratage, hein, puisque maintenant c'est une émission roue libre et plus une émission freestyle, évidemment c'est plus la rubrique fail, c'est la rubrique ratage, c'est assez logique. Une fois de plus, je tire au flanc, mais je remplis cette rubrique, je la remplis, c'est un bien grand mot, disons que j'ai la chance de ne pas être le seul à m'intéresser au ratage. Et il se trouve que là, il y a Le Monde qui a fait une petite vidéo sur 3 prix de Nobel donnés à des gens, alors que bon, ça aurait peut-être été mieux de pas leur donner. Enfin, pas pour ça en tout cas. Donc j'ai honteusement tout pompé à cette vidéo. Je prétends absolument pas avoir fait plus de recherches que juste regarder cette vidéo-là, que je vais évidemment mettre en lien. Et je résume juste pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, parce que c'est quand même assez rigolo. Donc je vous incite à aller voir cette vidéo, et puis surtout à creuser les sujets qui, chacun, je trouve, ont l'air de mériter clairement d'être creusés. Alors, le premier personnage présenté par cette vidéo, c'est un Johannes Fibiger, médecin danois, qui a gagné le prix Nobel pour avoir découvert qu'un parasite était responsable du déclenchement d'un cancer. Et il le prouve, puisqu'il a fait une expérience très sérieuse, où il a donné à manger à des rats, des blattes, qui elles-mêmes étaient parasitées. Et les rats ont déclenché des tumeurs. Le seul truc qu'il avait oublié apparemment, c'était de faire un échantillon de rats témoins qui auraient été dans les mêmes conditions que les autres sans manger de blattes, enfin en mangeant des blattes pas parasitées. Et en fait, du coup, il a raté le fait que ces rats, ils ne mangeaient que des blattes, de l'eau et du pain. Et du coup, il y a quelques carences dans ce régime alimentaire-là. Et ces carences-là suffisent amplement à expliquer l'apparition de tumeurs. Donc du coup, en fait, son parasite n'y était absolument pour rien. Donc ça, c'est le premier ratage. Donc, il a quand même eu le prix Nobel. Hein. Je rappelle, là, les trois dont je parle ont eu le prix Nobel. Le deuxième dont il parle, c'est Enrico Fermi. Alors ça, c'est une histoire, même moi, je la connaissais. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent parmi vous. Enrico Fermi, qui est un nom connu quand on s'intéresse à l'histoire de la physique, tout ça. Et il a eu le prix Nobel pour une très mauvaise raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est de fabriquer des nouveaux atomes radioactifs. Son idée a été de dire, je prends des atomes d'uranium, qui sont déjà des gros atomes, et avec un gros noyau, et je bombarde les noyaux de protons. Et les bombardons de protons, au bout d'un moment, peut-être ils vont s'accrocher au noyau et ça va faire des noyaux encore plus lourds que le noyau d'uranium. Et il détecte effectivement deux nouveaux éléments. Et donc il se dit, c'est des éléments à 93 et 94 protons. Donc c'est des nouveaux éléments, plus lourds que l'uranium, forcément radioactifs. Youhou, je suis super content. On lui donne le prix Nobel en 38. Et en fait, ce qu'on réalise après, c'est que ce qui s'est passé, c'est absolument pas ce qu'il avait pensé. Il n'a pas du tout fait deux nouveaux éléments plus lourds. Il a juste, en bombardant deux protons, couper les atomes d'uranium en deux. les noyaux d'uranium en dos. Et donc c'est bien deux éléments qui ne sont pas du uranium, mais ce n'est pas deux éléments nouveaux et plus lourds, c'est des éléments plus petits. Donc c'est complètement raté, si ce n'est que du coup il a trouvé, enfin sans le vouloir et sans s'en rendre compte, il a trouvé ce qu'on appelle maintenant la fission nucléaire. C'est pas mal, mais bon, c'est quand même mieux si s'en était, ça aurait été encore mieux s'il s'en était rendu compte. Et là, il s'en est absolument pas rendu compte. Alors que bon, on peut s'imaginer que c'était à sa portée, puisque dès 1938, c'est-à-dire l'année de son Nobel, il y a au moins un autre physicien, Otto Hahn, qui s'était dit que ça devait plutôt être ça qui s'était passé, et lui, il aura le prix Nobel en 1944. Donc ça veut dire que ce qui est assez beau, c'est qu'à 6 ans d'écart, il y a deux gens qui ont eu le prix Nobel, le deuxième démontant complètement le premier. Je trouve ça assez classe. Alors, le dernier prix Nobel qui est dans cette vidéo est évidemment, à mon goût, le plus classe. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais voilà. Egas Moniz. Alors, je ne sais pas, je ne parle pas portugais, donc faut le dire avec l'accent portugais, qui a eu le Nobel de médecine en 1949 pour avoir trouvé une méthode révolutionnaire qui permettait de soigner certaines psychoses. Et sa méthode, ça s'appelait la leucotomie. Alors, je sais pas, j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui ont trouvé tout seul le mot bien plus connu pour parler de ce traitement. C'est un traitement qui, évidemment, a fait bien souvent ses preuves depuis, c'est la lobotomie. Donc, en fait, son idée était de dire la partie du cerveau qui déclenche les psychoses, c'est ce qui est derrière le front, le lobe préfrontal. Et donc, il suffit de couper les liens entre cette partie du cerveau et le reste pour que les psychoses s'arrêtent. Alors, évidemment, ça reste, ça marche. Sauf qu'il n'y a pas que les psychoses qui s'arrêtent, il y a beaucoup d'autres choses qui s'arrêtent. Je crois qu'il y a aussi tuer la personne qui arrête les psychoses. Voilà, exactement, ça marche assez bien aussi. Là, en l'occurrence, ça ne les tue pas, mais bon, il y a comme effet secondaire que ça les transforme légèrement en légumes. Hein. Mais ça, c'est une réponse de physicien, un problème biologique. Hein. C'est vrai. Mais bon, c'est un médecin quand même. Donc voilà, donc il a quand même eu le prix Nobel pour ça, quoi. C'est en 49, hein, c'est pas rien. Et puis pour sa technique, non seulement pour avoir découvert le truc, mais pour la technique qui permettait de le faire très bien, les outils, les machins et tout. Il y a plein de gens qui ont continué à faire ça. Et ça s'est arrêté progressivement qu'à partir des années 50, donc peu de temps après son Nobel. Mais enfin, s'il a eu son Nobel en 49, ça veut dire qu'il faisait ça depuis un moment quand même, quoi. Avec la découverte des neuroleptiques, où petit à petit, on s'est dit que c'était peut-être mieux quand même que d'aller saccager le cerveau. Et donc progressivement, la lobotomie s'est arrêtée à ce moment-là. Donc voilà, lui aussi a eu le prix Nobel. Alors dans la vidéo, il est gentil, il insiste sur le fait que ces trois personnes ont aussi fait des choses bien et trouvé des choses intéressantes. Mais faut reconnaître que ils ont eu le prix Nobel pour de très mauvaises raisons et que on peut se planter pendant suffisamment de temps pour recevoir le Nobel sans que personne s'en rende compte. Voilà. Et donc, allez voir les vidéos. Et puis, si quelqu'un... Je pense que chacun de ces sujets pourrait limite faire un dossier à lui tout seul, tellement c'est beau, quoi, comme histoire. C'est vrai qu'un dossier sur la lobotomie, je pense que ça pourrait avoir une certaine classe. Hein, on je est prends. Merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais il y en a pas mal, en plus, qu'on fait ça. Il y avait celui-là qui mettait une pique très acérée sous l'œil et puis qui... Bah, c'est ça, la lobotomie, non? Ouais, c'était celle-là ou pas? Je sais pas, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a un épisode de Dirty Biology justement où ils expliquent c'est comment on fait un zombie. Et il y avait cette technique qui était listée dans cette vidéo. Ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est d'insister sur le fait qu'ils y croyaient. Enfin, c'était des gentils, quoi. C'était pas des méchants. Ils essayaient vraiment de bien faire, quoi. C'est comme toujours les gens qui ratent, quoi. Ils peuvent pas toujours savoir qu'ils ratent. Enfin, c'est pour ça que c'est bien. Ouais, comme dit Stéphane à la chatroom, moi je verrais bien aussi Billy parler de lobotomie. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. Un duo Billy. Mais c'est bizarre, on a souvent envie d'associer Billy. C'est ça. Et Pierre, je sais pas pourquoi. Mais Pierre, il peut nous parler d'animaux zombies pendant qu'elle parle de lobotomie humaine. Alors, vous seriez surpris, mais moi, ce que ça m'a inspiré immédiatement, c'est dans la préhistoire, l'utilisation de la lobotomie comme un moyen de médicamentation. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Nota Bene nous avait parlé justement de cette technique comme une des premières médecines. De trépanation, en tout cas. Ouais, mais voilà. Ouais. C'est quoi la différence entre une trépanation ça et une lobotomie? Trépanation t'ouvre le crâne. Mais après, je sais pas, t'es pas obligé d'en enlever un morceau. T'es pas obligé de raboter à l'intérieur, après. Tu peux juste refermer. Non, mais ça m'intéresse, c'est quoi la différence entre lobotomie et trépanation? Parce que, en effet, je faisais la confusion. Ce qu'il vient de dire, c'est que t'ouvres le crâne. Trépanation t'ouvre, lobotomie, c'est une opération sans ouverture. Ouais, lobotomie, ouvrir ou pas ouvrir. Mais la lobotomie, c'est soit t'enlèves un morceau, soit tu coupes des morceaux du crâne, du cerveau, je veux dire. Alors que, ah mais oui, lobotomie, juste... ça veut dire couper du lobe. Lobotomie. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. C'est pas mal donc... de faire semblant de parler latin pour finir une conversation, j'aime bien, je vais le réutiliser. Eh, oh, Hein, ça fait toujours classe. Non, mais ça fait toujours bien. Alors, si tu sais parler grec, c'est encore mieux. Ah oui, Thomas, oui, je vois. Thomas. Voilà, voilà. Donc, je sais pas, faudrait peut-être aller regarder s'il n'y a pas d'autres prix Nobel qui étaient pas mérités dans le sens où ils s'étaient plantés. Ça vaudrait la peine, quoi, parce que ça fait des vrais... Je pense qu'en économie, on peut en trouver un paquet. Oui, non, je parle de science. Ah oui, pardon. Oh oh ah bah oh qui a dit ça? Non, mais... Enfin, cela dit, on n'a toujours pas fait cette fameuse émission sur est-ce que l'économie est une science ou pas. Ouais, parce qu'on n'a pas réussi à la faire, quoi. Parce que juste après, on se posera la question sur les maths, donc vous voulez pas qu'on... Voilà. Ah non, mais est-ce que les maths sont une science? Clairement pas, je veux dire, si ça se mélange à la physique oui, et à la chimie... C'est ça, c'est que si tu dis que les maths sont une science, le reste, tu le mets ailleurs, tu le mets dans une autre catégorie. Bref. Mais pardon, on a toujours un petit complexe de supériorité, c'est comme ça. C'est... Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on passe aux réponses non, au quiz? J'ai même écrit ma rubrique et tout, là, vous pouvez voir. On pourra la publier ou tu l'as écrit sur un papier avec des... Je l'ai écrit dans le conducteur et tout. Pour une fois qu'elle n'est pas de toi, tu l'écris. Bah ouais. c'est plus facile. C'est ta retranscription de la vidéo, en fait. Ouais, tout est écrit. C'est ma façon de raconter la vidéo. Donc toi, tu écris tes chroniques que quand tu les plagies. C'est intéressant comme concept. C'est vachement facile, franchement. Bon, Alan, tu nous rappelles le quiz? Oui, le quiz, c'était une de ces recommandations médicales qu'on entend tout le temps. Il faut boire 2 litres d'eau par jour, un faux ou un tox. On a reçu pas mal de réponses. Moi, depuis que tu as énoncé le quiz, j'arrête pas de boire 2 litres par jour, hein, au cas où. C'est vrai? Ouais, je passe mon temps à l'épicer, c'est génial. On va savoir si tu avais raison. Enfin, pendant que tu fais pipi, je donnerai la réponse. Donc, on a reçu pas mal de réponses. Bon, alors, Topo, on a reçu une première réponse de Léo. Bonjour, bonsoir. Pour répondre à la question du mois, je pense que l'eau qu'on doit boire chaque jour dépend de beaucoup de facteurs. Activité physique, humidité de l'air, température, stress, activité vocale. Et donc, 2 litres peuvent être pas assez, ce qu'il faut, ou trop. J'ai rien compris. D'ailleurs, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose parce que celui que je connaissais jusqu'à maintenant était de 1,5 litre, qui au passage est le volume d'une bouteille. Hasard, nous ne savons pas. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas trop... Pour conclure, disais-je, je dirais qu'il ne faut pas trop boire d'eau non plus. Ma grand-mère dit que ça fait rouiller. Ah ah, émoticône. Longue vie à Podcast Science, PS. En fait, j'ai une question. Est-ce que tondre la pelouse, en plus de tuer des tas de bestioles innocentes, a un impact sur la qualité de l'écosystème du sol, le fait d'écraser, de couper de l'herbe? En bref, est-ce que la tonte est bénéfique pour la pelouse ou est juste une vieille tradition un peu débile? Je me doute bien que vous me prenez un peu pour un fou en lisant ça, mais pas du tout. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Et je pense que l'armée de biologistes de Podcast Science pourra au moins m'éclairer un petit peu. Merci encore pour tout et que servir la science soit notre joie, Léo. Figure-toi, Léo, que j'ai explication. Génial. Ouais, ah oui. Sollicite l'armée de biologistes de Podcast Science. J'ai pas eu de jingle, je suis déçu. Personne. Bon. Ok. Tu veux quoi comme jingle? L'intervention biologiste de Podcast Science. T'as entendu mon jingle là ou pas? Un truc un peu martial pour l'intervention de l'armée de biologistes. J'ai que Alléluia là sous la main. Sinon j'ai le son de Irène mais elle est pas là. Moi, je pensais au début d'une chanson de Enrique Iglesias. Non, comment il s'appelle Iglesias. Comment il s'appelle? Enrico Iglesias? Non. Julio Iglesias, merci. C'est Rouli par n'importe comment, soyons clairs. Tout à fait. Roulibre. Donc la tonte. L'impact, la tonte, en effet, c'est une bonne question et qu'on se pose souvent en écologie. Et notamment le facteur, tout à fait, puisque l'écologie, ça ne concerne pas que les forêts vierges et les trucs comme ça, ça concerne aussi, et même peut-être essentiellement, les territoires, les pelouses. Pas nécessairement les pelouses, mais en tout cas, les champs, les pelouses, tout ce qui a une intervention humaine. Or, la question qu'on peut se demander, c'est, une fois qu'on a tondu la pelouse, qu'est-ce qu'on fait de toute la matière qu'on a récupérée? Et c'est ça la grande variable qu'il peut y avoir justement sur la qualité du sol, c'est que si tu réutilises toute l'herbe que tu as coupée pour le laisser sur place, ça peut être décomposé si tant est que ta faune du sol est en bonne santé. Et donc permettre de réaliser un cycle de la matière première, de la matière carbonée. Mais ça peut aussi avoir comme impact de l'attraction d'insectes néfastes, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, la première question que tu te poses quand tu tournes la pelouse, c'est qu'est-ce que tu fais de toute l'herbe que tu as coupée ? Et si tu la réutilises pour justement garantir que ton sol soit de temps en temps, recyclé, régénéré, ça peut avoir un effet très, très, très important sur la qualité de ta pelouse. Voilà. En gros, il faut tondre et pas ramasser. De temps en temps. Ça, c'est bien, ça. Non, pas tout le temps, tout le temps. Vas-y, dis tout le temps. C'est pas des maths, c'est de la biologie. Non, mais je veux dire juste, comme ça, ça permet de pas ramasser, quoi. Parce mais que non, mais ça dépend de ton sol. Les gens qui la pelouse savent que ce qui est chiant, c'est pas de passer la tondeuse, mais de ramasser, quoi. Mais non, mais ça dépend de ton sol, ça dépend de la faune, ça dépend de l'ensemencement, ça dépend de la matière, quoi, c'est-à-dire des végétaux qui y poussent, etc. Les phases de la c'est lutte. Pas si simple. Toujours finassé, quoi. Et ouais. Bon, bah merci pour cette réponse. On peut en revenir maintenant sur le complot du volume des bouteilles de 1,5 voilà. litre. On peut revenir à je proteste, il y a des bouteilles de 2 litres. Voilà. C'est des bouteilles de berge. Il y a des bouteilles de 150 centilitres aussi. Enfin, je veux dire, tu vas un peu vite. Revenez pas sur les Belges, là, je reçois un panneau par semaine. Là, c'est plus possible de se foutre de la gueule des Belges. Pourquoi les Belges ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai rien dit sur les Belges. Non, parce que c'est moi qui ai dit des bouteilles belges. Ah. Bon, Alan. Non. Moi, j'achète des bouteilles tous les. Enfin, bon, bref. Il paraît qu'on a un quiz. On a une réponse d'Aline. Ah oui, j'oubliais pour le quiz sur l'eau. C'est bien comme début. Ah oui, j'oubliais. Tu vois, moi aussi, je peux le dire. Ah oui, j'oubliais pour le quiz sur l'eau. C'était dans un mail. C'est pour ça. Je pense que les 2 litres à boire sont donnés de manière arbitraire de façon à être sûr que tout le monde boit assez. Je pense que cette valeur varie en fonction de chaque individu et de son activité et que d'après les calculs, la moyenne doit certainement tomber entre 1,5 et 2 litres. Perso, je bois pas mal, surtout quand je suis énervé ou stressé. Sinon, je bois du gin tonic, mais ça n'hydrate pas. Bisous, Aline. Voilà, voilà. Dans les réponses au quiz, on a eu aussi une réponse exceptionnelle qu'on n'a pas tout à fait compris encore. Pourtant, on a un peu travaillé dessus. Je vous laisse écouter. Voilà, ça dure 6 minutes 30. Hein. Donc, on a tous retranscrit. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait. Les frappes, les coups longs, les coups courts, les écarts et tout. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé derrière ça, quoi. Mais ça y est, j'y suis. En fait, il fait tomber des gouttes et il fallait calculer le volume en fonction du nombre de gouttes. C'était ça, la réponse. Donc, si vous avez une idée de comment traduire ce truc-là, on veut bien de l'aide. Et on peut vous le transmettre à la demande. Yes, sinon on a un message de Geoffrey qui dit « Salut à toute l'équipe et aux auditeurs. Comme souvent avec les recommandations sanitaires, j'ai à la fois envie de dire info et intox. Je penche plutôt pour info ce coup-ci parce qu'en faisant la différence entre la quantité d'eau moyenne perdue et la quantité d'eau moyenne apportée par l'alimentation dans la journée, on tombe sur un litre et demi, à une vache près. » Ils s'en foutent, nos auditeurs. Donc bon, ce chiffre ne sort pas totalement de nulle part, même si c'est bien la première fois que j'entends 2 litres. Après, est-ce qu'un tel niveau d'approximation est acceptable pour qualifier ça d'info ? Je ne sais pas. Combien faut-il de grains de sable pour faire un tas de sable déjà ? Mais retournons la question pour voir. J'aime bien ça, retourner les questions. Est-ce qu'on devrait boire uniquement quand on en a envie ? Là, franchement, on peut se permettre d'être un peu plus confiant. Moi, je dis non. Pour commencer, je trouve qu'un meilleur indicateur serait plutôt la couleur de l'urine que la sensation de soif. Si elle est très claire, voire pratiquement transparente, c'est que vous buvez assez d'eau, à moins que vous soyez un gros consommateur de thé ou d'alcool. Soyez attentif la prochaine fois que vous ouvrirez l'écluse. Je parie que devant le spectacle jaune marronasse, vous irez tout de suite vous tirer un verre de Château-la-Pompe. Franchement, en fonction de mon humeur et de mon activité, je ne perçois pas du tout la soif de la même façon. La plupart du temps, je me rends compte que j'ai soif après avoir terminé ce que je faisais. Aussi, je parie que vous non plus, vous ne buvez pas la même quantité d'eau tous les jours et pourtant vos besoins ne devraient pas varier. Sachant cela, est-ce que vous vous faites toujours autant confiance ? Je suis persuadé que c'est la raison d'être de cette recommandation. Sans compter les personnes âgées qui ne ressentent pas la soif, les gens sont sans doute trop occupés dans la journée pour se rendre compte qu'ils ont soif. Alors un litre et demi, 2 litres, le plus important c'est de boire de l'eau et se donner comme objectif de boire une bouteille d'eau par jour. C'est facile à mettre en pratique et ça évite les accidents. Récemment, une de mes connaissances s'est chopée une infection rénale suite à une cystite. On lui a dit qu'elle n'aurait pas eu cette complication si elle buvait suffisamment d'eau, à bon entendeur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Désolé encore pour le roman, Geoffrey. C'est vrai que c'était un peu long. Du coup, il y a des éléments qui dénoncent là que je reprends dans la réponse officielle du quiz, mais il y en a d'autres. genre les personnes âgées n'ont plus soif. J'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas. On va peut-être pas prendre ça pour argent comptant, on va quand même... Enfin, il y a eu beaucoup de campagnes de communication là-dessus aussi, alors peut-être que c'est aussi du mytho, mais à chaque fois... Oui, j'ai déjà entendu ça, que les personnes âgées avaient moins de sensations de soif que les autres. Oui, moins sensation de soif, oui, mais qui ne ressentent pas la soif, ça me paraît un petit peu tranché aussi... comme affirmation. Peut-être aussi une question de se déshydrater plus vite, non, je sais pas. Oui, mais du coup, pourquoi ils ne ressentiraient pas la soif? C'est ça qui est affirmé dans la question. Ouais, mais bon, on ne va pas faire une conversation de café. Non, oui, on fait une conversation de café du commerce, exact. C'est vrai. On est en roue libre ou pas, putain? Bon, moi, c'est pour ça que je suis venu. Hein, c'est parce que... Un message codé de Julien, déchiffré par Pascal. Salut Podcast Science, bravo pour être arrivé à déchiffrer le code. Concernant la réponse au quiz du mois, je dirais que la quantité d'eau à boire doit dépendre de tellement de facteurs qu'on ne peut pas dire simplement buvez 2 litres d'eau par jour. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter de 2 litres d'eau en plein désert. Cependant, je pense que pour un Français métropolitain moyen, 2 litres me semble être un bon volume. Bref, si c'était Julie qui posait la question, je dirais un tox, mais vu que c'est Alan, je dirais un faux. C'est marrant, j'aurais pu dire le contraire. La règle. Enfin... Pascal n'est pas avec nous pour nous expliquer le déchiffrage, des fois. Je me rappelle plus ce que c'était. C'était du bin. C'était de l'hexadécimal. Voilà. L'hexadécimal. C'était pas du binaire encodé en hexadécimal? Ou le contraire? Si, c'est ça, je crois. Binaire, ouais. Et du coup, il est tombé sur un site qui s'appelle ASCII2X, qui lui a permis. Ah, c'était du base 64, nous dit-il. Là, mais le truc, c'est que les gens qui veulent nous envoyer des messages codés, la plupart du temps, ils trouvent des trucs qui codent automatiquement. Donc forcément, ouais, il y a aussi... Sauf celui qui a tapé sur une table pendant 6 minutes 30. Sur une table. Et c'est ça. Mais non, mais c'est là qu'il est fort, quoi. C'est qu'il a fait manuellement, quoi. Il a fait à l'ancienne. Du coup, c'est Robin qui va nous le décrire. J'ai encore jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir. J'ai juste vu que ça dépassait pas 5, mais... On a ensuite une réponse de Pierre qui dit « Il est tout à fait possible qu'il faille boire 2 litres d'eau par jour, mais ce n'est pas certain. » Voilà quelqu'un qui prend une position courageuse. C'est la réponse de Normand. Grosse réponse, là. C'est un mathématicien. Bon, sinon, on a eu une réponse de dernière minute de notre ami Geekcode sur Twitter qui dit « Oh mince, je n'ai même pas répondu au quiz. Rapido, info, mais ça dépend. » Pas mal aussi comme réponse de Normand. Bon, c'est un peu le même esprit, ouais. Ouais. Tu n'as pas prononcé les émoticônes. Ah. Oui, excuse-moi. Alors attends, je reprends du coup. Oh mince, je n'ai pas répondu au quiz. Smiley qui vomit ou qui pleure, je ne sais pas. Le mec, t'as jamais envoyé une vomit. Rapido, info. Mais ça dépend. Smiley qui monte ses dents. J'aime bien comme tu cries les majuscules. Oui, les majuscules, c'est on crie, non? Voilà, c'est une incarnation du style que j'avais encore jamais vécu. Comme ça, c'est très beau. Très touchant. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on me crie dessus quand on écrit en majuscule. Hein, on va le faire plus souvent. Si ouais, ça moi aussi, comme ça, à chaque fois que je lis un truc en majuscule, je l'entends crier tout le temps. Et avant la réponse, je pense qu'il y a des commentaires dans la chatroom importants, vu qu'on est en roue libre. Il y a 10 types de personnes, celles qui comprennent l'hexadécimal et les F autres. Voilà. Alan, c'est à toi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pire que nous, quoi. C'est ça qui est génial. C'était une remarque de Maël. Mais on n'est pas censé dire 10 en fait. 1, 0 en hexadécimal, ça se prononce comment? Ça, c'est des trucs qui marchent à l'écrit, mais à l'oral. Oui, il faut dire 1-0 normalement. Ouais, c'est ça. Bah, ah, oui. Sauf si c'est pas toi décidé. Qui te plaignais qu'on était hors sujet il y a 5 secondes. C'est vrai, ça. Allez, fais-nous la réponse plutôt. Ça fait assez plaisir de. Alors. Oh, attention, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Alan met ses lunettes. Je chaussais mes lunettes. Ah non, donc, oh merde, le quiz du mois. Mais non, mais regarde, c'est Jamy. Pourquoi j'ai mis la vidéo? Quel con aussi. Non, mais comme ça, j'arriverai à lire sans déchiffrer. C'est très pratique, les lunettes. C'est une bonne invention, en fait, pour les cartes. Lire sans déchiffrer, c'est balèze. De tous les mythes médicaux, celui-ci a la dent particulièrement dure. Car oui, je pense qu'il s'agit bel et bien d'un mythe, dans la mesure où aucune recherche disponible dans la littérature scientifique n'a jamais abouti à des conclusions permettant de justifier ce type de recommandation. Au contraire, quand des scientifiques se penchent sur la question, le mythe ne tient pas la route. Alors elle sort d'où cette recommandation? Selon le docteur Heinz Valtin, professeur émérite de physiologie et de neurobiologie à la faculté de médecine du Dartmouth College, dans le New Hampshire, aux États-Unis, la Food and Nutrition Board du Conseil national de la recherche indiquait 2,5 litres d'eau constitue un apport journalier adapté pour les adultes dans la plupart des cas. En effet, 1 millilitre d'eau pour chaque calorie de nourriture ingérée est un standard approprié à la plupart des personnes. Bon, les 2,5 litres d'eau ont fini par donner 8 verres de 8 onces fluides dans les pays anglo-saxons, alors qu'ici on parle plutôt de 2 litres. Mais ce que tout le monde semble avoir oublié, c'est la fin de la recommandation qui disait « la plupart de cette quantité est contenue dans les aliments préparés ». Alors moi je me pose la question, pourquoi ne pas juste boire quand on a soif ? Il se trouve que je suis l'heureux copropriétaire depuis quelque temps, depuis 2 mois maintenant, d'un petit chat sauvage. Une petite minette, en fait, une princesse. Elle s'appelle Sissi, du nom de ma princesse préférée. Puis c'est très marrant de l'observer, j'adore ça. Quand elle a sommeil, elle dort. Quand elle a faim, elle mange. Quand elle a soif, elle boit, sans s'embarrasser de contraintes ou de croyances ou de recommandations. Alors pourquoi nous autres humains sommes-nous incapables de simplement faire confiance à nos instincts comme les autres animaux ? Eh bien, selon le docteur Aaron Carroll, professeur de médecine à l'Université de l'Indiana, qui a publié un papier sur les mythes médicaux en 2007, vous aurez les liens dans le dossier, suivi d'un livre 2 ans plus tard, dont je crois avoir déjà parlé ici, qui s'intitule « Don't swallow your gums »,« N'avalez pas vos chewing-gums ». Selon lui, donc, c'est parce que nous sommes conditionnés par au moins 2 autres croyances. Une croyance qui veut que quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté, et une autre croyance qui veut que les boissons caféinées sont diurétiques et qu'on ne devrait pas les compter dans nos apports quotidiens de liquide. Je vous entends déjà râler sur ce second point. Je vais vous laisser languir un petit peu. On va d'abord parler de la première croyance. Donc la première croyance, c'est que quand on a soif, on serait déjà déshydraté, un petit peu comme le voyant d'huile qui s'allume quand le moteur est à 2 doigts d'exploser. Selon Aaron Carroll, toujours, les études sont formelles. Le sentiment de soif est déclenché quand la concentration des fluides corporels, si vous voulez briller en soirée, ça s'appelle l'osmolalité plasmatique, donc quand cette concentration passe au-dessus d'un certain seuil. Une augmentation de 2% déclenche la soif, alors qu'il faut une augmentation d'au moins 5% pour qu'il y ait déshydratation. Osmolarité. Pardon ? T'as dit osmolalité ? Ouais. Osmolarité. Osmolarité ? Moi, j'ai noté osmolalité, je me suis peut-être planté. Enfin, sans doute. Hein. Donc, voilà. Il ne fait pas semblant sur le latin. Pour briller en soirée, ne m'écoutez pas. Donc, je vais checker quand même. Ouais, bonne idée. Pour vous en convaincre, voici ce qui se passe vraiment quand on est déshydraté, en plus de la soif. Des maux de tête, un sentiment de malaise général, une perte d'appétit, la peau sèche, diminution du volume d'urine, confusion, fatigue, irritabilité. Une déshydratation prolongée ou sévère conduit à une urine anormalement sombre, une respiration rapide, de la constipation, des chutes de tension, des étourdissements, voire des évanouissements, de l'apathie, des insomnies, la perte d'élasticité de la peau. Alors, si vous ressentez tout ça quand vous avez soif, bah, c'est qu'effectivement, vous êtes déshydraté. Sinon, vous avez juste soif et c'est le moment de boire. Peut-être des détails, Topo ? Vois-je ? Oui, c'était bien osmolalité. J'ai, en plus, ça résonnait dans ma tête. J'ai dit, ouais, ça me dit quelque chose, mais en fait, non. Et en fait, oui, si ça existe totalement, c'est à ne pas confondre avec l'osmolarité. En biochimie, l'osmolalité est une mesure du nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez briller en soirée, n'écoutez pas Topo. Alors, venons-en à la croyance numéro 2. Les boissons caféinées sont diurétiques. Du coup, le thé, le café, les autres sodas caféinés qu'on boit pendant la journée ne compteraient pas dans les fameux 2 litres par jour. Quand je disais que je vous entends râler, ben, on sait que ces trucs-là sont diurétiques. D'ailleurs, une étude de référence de 1928 a montré que les boissons caféinées avaient un effet légèrement diurétique. C'est-à-dire, en bon français, pour chaque tasse qu'on boit, on fait pipi d'un peu plus d'une tasse. Ben, il faut savoir que cette fameuse étude, qui a fait autorité pendant des années, sur laquelle de nombreux médecins et diététiciens ont basé leurs recommandations, a été conduite sur un total de 3 sujets observés pendant quelques heures. Elle a été challengée par la publication en 2000, donc c'était quand même bien plus tard, la publication des résultats de recherche de la doctoresse Anne Grandjean, professeure de médecine sportive à l'Université du Nebraska. Le papier est derrière un paywall, mais en slalomant un petit peu dans les coulisses de l'Internet mondial, vous pouvez en trouver une copie en PDF sur un serveur de Coca-Cola. Ça ne s'invente pas. Là aussi, vous aurez les liens dans le petit dossier publié sur le site web. Alors, ce qu'elle a découvert, c'est que l'effet diurétique n'est observé que sur des sujets statiques. À partir du moment où on bouge, l'effet diurétique s'estompe. Et cela a depuis été confirmé par plein d'autres études. Là aussi, je vous trouverai notamment un lien dans le, dans, dans le document en ligne. Donc, pour peu que vous ne soyez pas cloué au lit, les thés, cafés, sodas que vous consommez pendant la journée comptent bel et bien dans votre apport quotidien de liquide. Et les bières ? Alors, les bières, c'est effectivement diurétique, mais dans une moindre mesure. Parce que si tu ne parles pas de notre principal fluide qu'on ingère... Ouais. Mais non, en fait, je n'ai pas prévu d'en parler. Je sais que ce n'est pas aussi diurétique qu'on a tendance à le croire, mais c'est diurétique quand même, la bière. Et puis bon, c'est de l'alcool, tout ça, il ne faut pas abuser. Ah, c'est de l'alcool ? Ouais. Même la Desperado ? Non, je peux vous le dire, en fait, c'est de l'urine. Je viens de voir la composition. C'est ça. L'Esperanto, c'est une bière basque. Ah, mais c'est français, donc tout s'explique. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est distribué par l'Angleterre. On a la Croix et la DSP, quoi, la classe. Ouais, tellement. Mais je pensais d'ailleurs proposer ça comme prochain quiz, mais en fait, ce n'est pas tellement scientifique. Tu sais, demander si la moutarde vient bien de Dijon, si le piment vient bien d'Espelette, si le melon vient bien de Cavaillon. Vous avez quand même le chic pour inventer tout et n'importe quoi, les Français, je vous trouve merveilleux. Quoi. Mais bon, si les poulets fermiers viennent bien du Gers. Si ouais. La fondue savoyarde vient de Savoie. Non, mais... Bon, au revoir. Tu aurais pu me laisser finir ma rubrique. La fondue quoi, tu dis ? Bref, t'as fini ? Voilà, est-ce qu'on peut boire trop d'eau ou trop peu ? Eh bien, ni l'une ni l'autre, mon capitaine. L'idéal, c'est vraiment de boire quand on a soif. Boire trop d'eau peut résulter en une intoxication par l'eau. Non, c'est pas une blague d'alcoolique, il est vraiment possible de s'intoxiquer par l'eau. Trop boire d'eau ou de n'importe quoi d'autre peut entraîner une dilution des niveaux de sodium dans le sang. C'est ce qu'on appelle, pour briller en soirée, topo, je t'attends, comment on appelle ça ? Hein ? Quoi ? Ils sont malins, hein ? On appelle natrémie ? Ça... Ouais, bien, une... Bam, dans ta gueule ! Hyponatrémie. Hyponatrémie, hypo comme trop peu, natrémie comme natrium, le sodium. Ça cause une inflammation des cellules cérébrales, entraînant leur mort. En résumé, boire trop d'eau est une mauvaise idée. Et boire trop peu d'eau peut résulter en une déshydratation. Alors, on a déjà passé les symptômes en revue, c'est pas très drôle. Et d'ailleurs, si trop de liquide dans le corps résulte en une hyponatrémie, topo, en toute logique, trop peu de liquide peut résulter en une... Hypernatrémie, voyons. Et ben voilà. Même moi, j'aurais trouvé, quoi. C'est... Tu l'as... Ouais, mais ça, on a posé la question à topo, alors on s'en fout, Robin. Sans doute, sans doute. Bref, donc c'est un taux de sodium dans le sang trop élevé. Et c'est d'ailleurs précisément pour cela qu'on ne peut pas vivre en buvant de l'eau de mer. Alors les signes cliniques d'une hypernatrémie peuvent être subtils, de léthargie, faiblesse, irritabilité, excitabilité neuromusculaire, œdème, tout ça. Ou alors carrément violent, des convulsions, un coma, la mort. Bref, boire trop d'eau est une très mauvaise idée aussi. Trop peu d'eau est une très mauvaise idée aussi. Et c'est quoi trop d'eau ? Dans la chatroom, on a une réponse pour ça, c'était 9 litres, ouais, apparemment. Bah justement, je me demandais à quel point c'était vrai ou pas. Ouais, bah écoute, je suppose que là aussi, ça dépend de tout un tas de facteurs, ça varie d'une personne à l'autre, ça dépend de ton activité physique, tout ça. Enfin, il n'y a pas un seuil qui marche pour tout le monde. En l'occurrence, il y avait ce fait divers, là, une personne qui avait bu 9 litres d'eau et puis et qui en est morte. Pour toi, c'est peut-être 3, qui sait. T'as déjà essayé de boire de l'eau ? Ouais. Ok, bon, t'es pas mort, c'est bien. Je contrôle la couleur de mon urine. C'est magnifique. Et après, on parlera des formes de caca. Suivez ouais, Podcast Science. Tant que tu nous envoies pas des photos. Alors, en conclusion, bah, moi, j'ai bien sûr pas de conseils à vous donner. Vous faites ce que vous voulez, mais au moins, vous êtes informés. Si vous faites un marathon dans le Sahara, ne boire que 2 litres d'eau vous tuera assurément. Si vous êtes planté sur votre canapé toute la journée, que vous vous gavez déjà de nourriture et de coca, et que vous vous envoyez 2 litres d'eau en plus par-dessus tout le reste, parce que le coca, ça compte pas, vous allez y laisser des neurones. Quel que soit votre style de vie, boire quand vous avez soif, plutôt que pour vous conformer à une injonction qui n'a aucun fondement scientifique, est sans doute la meilleure stratégie. À vous de voir. C'est beau. Et donc, pour le niveau d'huile, on sait ou pas ? Pardon. Non, c'est... Ok, d'accord, très bien. J'en ai profité pour mettre une image dans la chatroom de forme de caca, hein, parce qu'on m'a appelé. Voilà. Donc, vous le saurez qu'il y a, selon le chart des crottes de Bristol... Ah, mais oui, je les connais, ces types. Voilà, 7 types de formes de crottes. Il faut que je l'imprime pour le mettre dans mes toilettes, j'adore. Voilà. C'est les 3 et 4 qui sont normaux, c'est ça ? Je ne sais pas. Il me semble. Enfin, tu vois, genre type 7 entièrement liquide, non, oui, ça n'a pas l'air pas bon, fou. Ça. Je crois que 3 et 4, c'est bon. Donc, pour décrire pour tout le monde qui n'a pas l'image, ce serait dommage. Donc, le type 1, c'est des petites boules séparées. Le type 2, c'est en forme de saucisse, mais avec des sortes de petites boules accrochées. Tu passes vite sur le type 1, mais parce qu'il y a une description aussi de la nature de verre, c'est difficile à passer. Donc c'est ça. Petit rond, comme des noix, qui ont du mal à passer. Donc le type 2, c'est plus en forme de saucisse, mais où on garde ce petit côté noix, où on a l'impression à la surface. Le type 3, c'est une saucisse avec des craquements. Le type 4, c'est une saucisse bien lisse. Comme un serpent. Lisse et molle. Le type 5, c'est plein de petits blobs qui ont des coupures propres, quoi, mm-hmm. et qui passent facilement. Le type 6, c'est des petites pièces un peu en bordel, grosso modo des œufs brouillés, mais de caca, quoi. Et le type 7, c'est complètement liquide. Voilà, voilà. Et donc, ce qu'il faut viser, c'est le type 4. Type 3 et 4, je crois. Ce que disait le bouquin de l'intestin avec les cartons, c'est type 3 et 4. Je sais pas si vous aviez vu, il y avait la machine à caca à l'époque, à une époque, je sais pas si elle existe là, encore. Là, on dépasse, tu vois, là où on était encore dans la science, là on est en train de tomber. Mais non, c'était mais encore c'est complètement très intéressant. De la science. Ah oui, t'as raison, c'était génial. Il y avait la machine à vomi et la machine à caca, justement, pour savoir qu'est-ce qui permettait de propager des germes, etc. C'était excessivement important pour ça, pour bien faire des latrines correctes. Moi c'était pas ça. Ah bon, d'accord. Bah moi, c'est ça que j'avais suivi. C'était un truc très pédagogique. C'était un truc où tu pouvais faire manger quelque chose à la personne et ça faisait un caca différent. Et ça, voilà. Ça te, ah ça non, te, non, non, non. Moi, je te parle de vraiment donc, d'un outil. C'était un truc très pédagogique pour savoir ce qu'il fallait manger pour faire des beaux cacas. Moi, je te parle d'un outil qui était utilisé par des scientifiques pour véritablement savoir... Ça va, monsieur, argument d'autorité. Voilà. Ouais, ça m'énerve, ça. Moi aussi, c'était très scientifique. Bon, je vous propose de passer au blog audio, les amis, où vous avez d'autres choses à rajouter sur le sujet, oui, bien oui, sûr. Oui, j'ai quelque chose à rajouter sur l'eau, si vous me permettez. Notamment qu'il faut savoir un petit peu d'où on vient en termes de diversité. Et le saviez-vous, il y a des animaux qui ne boivent pas. Ah ouais? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Et non. Je ne saviez pas. Vous ne le saviez pas? Et ça vient parce qu'en fait, on se représente souvent l'apport hydrique en ne pensant que c'est par de la boisson. Mais il y a deux manières de fabriquer, d'acquérir de l'eau. Non, ça c'est très bof. Je te conseille pas. Vous avez perdu. Non, pour l'accueillir dans votre corps, pas pour juste l'avoir sur votre peau, sur votre corps. Non, mais la peau, c'est... ça pourrait rentrer par après, non? Oui, et ça irait où? Il y a des pores, tout ça, je sais pas, mm-hmm. dans le sang, direct. Ah, direct? Non, je crois pas. Enfin, vaut mieux pas, parce que du coup, ça veut dire que si tu passais à la piscine, ouais. tout le chlore, tout ça, ça passerait dans ta... Enfin, tu changerais de couleur, non, ce serait pas génial. Qui ne boivent pas. On parle pas de gens qui boivent pas, on parle d'autres choses. Mais nous aussi, en fait, on ne prend notre apport hydrique pas seulement de la boisson. Il y a la nourriture qui nous apporte de l'eau, tout simplement parce qu'elle elle baigne un tout petit peu dans le liquide, etc. Vous n'avez pas des aliments qui sont complètement secs. Et d'autre part, il y a une source d'eau qu'on n'envisage pas, c'est l'eau métabolique. C'est-à-dire que quand on casse des glucoses, des lipides, etc., on récupère au moment... de la réaction qui permet d'obtenir de l'énergie à partir de ces nutriments, de l'eau. C'est un des résultats. Il y a du CO2, il y a de l'eau. Et cette eau-là, c'est l'eau métabolique et elle fait partie de l'apport en eau. Et donc, est-ce que les cétacés boivent de l'eau de mer? Pardon. Non, putain, mais... Bah, j'imagine... C'est une super bonne question. J'imagine qu'ils doivent en boire. Mais je suis fan des eaux libres. Mais c'est une très très bonne question. Je pense pas que ce soit essentiellement leur rapport en eau. Non, je pense que eux aussi, ça doit être des organismes qui doivent utiliser de l'eau métabolique et préformée dans leur nourriture et non pas à partir de l'eau. Donc ils doivent se débarrasser de l'eau de mer. Mais je n'ai pas le détail. Par contre, l'exemple que j'avais, c'est certains rongeurs qui vivent dans des environnements très secs, dans des déserts. Qui, eux, n'ont comme apport en eau que de l'eau préformée, c'est-à-dire de la nourriture, des graines, etc., mais surtout métabolique. Et la manière, en fait, dont ils se passent essentiellement de l'eau de boisson, c'est qu'ils ont très très peu d'urine, une urine très très sèche, en fait, enfin, si je puis dire, très très concentrée, et des fesses très très secs. Donc difficile à passer. Donc on peut plaindre, par exemple, le rat kangourou qui a une dure vie dans les déserts. Le rat kangourou. Voilà. Tout à fait. Dipodomis meriami. Ah, c'est ça le latin. Blog audio, tu nous l'introduis, Johan ? Oui, donc c'est un blog audio sur le prix Nobel de physique de cette année, donc qui parle de neutrinos. Et donc j'ai été chercher un article publié sur le journal du CNRS par deux chercheurs français spécialistes du neutrino. Voilà. L'épopée des neutrinos par Hervé de Guéret et Anatael Cabrera sur le journal du CNRS. Alors que le prix Nobel de physique 2015 vient de récompenser une nouvelle fois des travaux sur les neutrinos, les physiciens Hervé de Queret et Anatael Cabrera nous racontent l'histoire de la découverte des oscillations de ces désormais célèbres particules. Les neutrinos font partie, au même titre que les électrons, des particules élémentaires qui constituent la matière. Des milliards de neutrinos nous traversent à chaque seconde, sans que nous nous en rendions compte, car ce sont de grands timides. Ils interagissent si peu avec la matière et ils sont si légers qu'ils traversent l'univers à une vitesse voisine de celle de la lumière sans que rien ne puisse les intercepter. Les étudier est donc très difficile. On sait toutefois que le neutrino existe sous trois formes, au nom exotique. Les neutrinos de type électron, ceux de type muon, et enfin, les neutrinos tau. Le prix Nobel de cette année salue une découverte majeure. Le neutrino est un grand transformiste capable de passer d'un type à l'autre en voyageant. Un phénomène appelé oscillation. Le neutrino naît d'un certain type, puis devient un conglomérat mouvant composé des trois sortes de neutrinos durant son voyage, pour finalement se révéler différent à l'arrivée dans un détecteur. Très peu de particules sont capables de faire cela, et le neutrino est la seule particule élémentaire douée de cette propriété. Pour parvenir à cette découverte, les chercheurs ont observé le Soleil, qui est un grand pourvoyeur de neutrinos, tous de type électron. On connaît bien leur nombre, qui est directement lié à la chaleur du Soleil. Mais quand Raymond Davis a détecté ces neutrinos dans les années 1970, ce qui lui a valu le prix Nobel, le compte n'y était pas. Il envoyait trois fois moins que prévu, et le bébé a été repassé aux expériences suivantes. Mais où étaient donc passés les neutrinos du Soleil ? Cette anomalie des neutrinos du Soleil a interrogé les chercheurs pendant une vingtaine d'années. De nombreuses expériences dans le monde, notamment Galex en Europe, ont confirmé l'anomalie. Mais c'est l'expérience SNO au Canada qui a définitivement résolu l'énigme en 2001-2002. Contrairement aux détecteurs précédents, qui ne savaient voir que les neutrinos de type électron, SNO était capable de dénombrer tous les neutrinos solaires arrivant sur Terre, et ce nombre était bien celui que les experts du Soleil avaient prédit. Un tiers seulement de ces neutrinos étaient de type électron. Les autres neutrinos étaient de type muon ou tau. Nés électrons, les neutrinos solaires étaient des trois types à l'arrivée. Une seule explication possible, les neutrinos oscillaient durant le voyage entre le Soleil et la Terre. En fait, cela passe dans le Soleil. Le responsable de SNO, Arthur B. MacDonald, est l'un des lauréats du prix Nobel de cette année. Pendant ce temps, une autre source naturelle de neutrinos, la haute atmosphère, posait le même genre de problème. Tout là-haut, sous l'effet du bombardement incessant de rayons cosmiques, de grands nombres de particules sont créées, notamment des neutrinos de chacun des trois types. Quand l'expérience Kamiokande au Japon a tenté de les observer, le compte n'y était pas. On détectait deux fois moins de neutrinos de type muon que prévu. Cette anomalie des neutrinos atmosphériques était-elle aussi due à une oscillation de neutrinos ? Encore fallait-il le prouver, et en particulier déterminer si le neutrino muon oscillait vers un neutrino de type électron ou bien tau. La France a contribué à déchiffrer ce puzzle grâce à l'une de ses spécialités, les centrales nucléaires, dont les réacteurs génèrent de grandes quantités de neutrinos de type électron. L'idée était simple, si le neutrino muon se change en neutrino électron, l'inverse doit lui aussi se produire. Les expériences successives à Grenoble, au Bugey, et enfin près du réacteur nucléaire de Chooz, en France, ont montré que les neutrinos de type électron restaient sages. Il n'oscillait pas, ou en tout cas pas assez pour expliquer l'énigme des neutrinos atmosphériques. Dans certains cas, l'absence de résultat aide autant la recherche qu'un résultat positif. Invalider une hypothèse aide à se concentrer sur les autres possibilités. Pour cette raison, les publications de l'expérience CHOOSE ont atteint un niveau de citation exceptionnel. La balle restait donc au Japon. Un détecteur beaucoup plus gros a été construit, le plus grand de tous les temps. Cet appareil, appelé Super Kamiokande, a permis de mesurer beaucoup de neutrinos venant de l'atmosphère. Certains, créés juste au-dessus du détecteur, avaient peu voyagé, tandis que d'autres, créés de l'autre côté de la Terre, avaient traversé la planète entière avant d'arriver au détecteur. Le résultat était frappant. Ceux qui avaient peu voyagé n'avaient pas oscillé, à la différence de ceux qui venaient de l'autre côté du globe. Le doute n'était plus possible. Le responsable de ce programme dans Super Kamiokande, Takaaki Kajita, est l'autre prix Nobel de l'année. Après la découverte de Super Kamiokande, une expérience française, Double Chose, a observé l'existence d'une troisième oscillation avec les neutrinos sortant des réacteurs nucléaires. Les résultats ont été confirmés sans ambiguïté par l'expérience chinoise d'Ayabe en 2012, ainsi que par l'expérience Renault en Corée du Sud. Depuis la découverte des oscillations, de nombreuses expériences de vérification ont lieu de par le monde. Les mesures de neutrinos solaires par Super Kamiokande et Borexino ont confirmé le phénomène. Les oscillations de neutrinos solaires et atmosphériques se sont révélées accessibles aux expériences sur accélérateurs et sur réacteurs. L'expérience européenne Opera, en Italie, a vu les neutrinos de type Tau apparaître dans un faisceau de neutrinos de type muon produit au CERN. En se mettant très loin des réacteurs nucléaires, expérience de Camland, et en envoyant des faisceaux de neutrinos à des centaines de kilomètres, expérience de Minos et T2K, les oscillations de neutrinos ont maintenant été confirmées avec une grande certitude. Les paramètres des oscillations sont des constantes fondamentales, auxquelles seules les expériences d'oscillation des neutrinos donnent aujourd'hui accès. Parmi les paramètres des oscillations, l'un d'eux est particulièrement surprenant et intéressant car il applique un comportement différent entre neutrinos et antineutrinos. En principe, une particule doit se comporter comme son antiparticule, ce qu'on appelle la symétrie CP. Il est vraisemblable que cette symétrie ne s'applique pas aux neutrinos. Et cela pourrait expliquer une autre grande énigme, l'absence d'antimatière dans l'univers actuel, alors que le Big Bang a créé autant de matière que d'antimatière. Au fil du temps, matière et antimatière se sont annihilées l'une et l'autre, mais un excédent de matière a survécu. Le neutrino est un bon candidat pour expliquer cet excédent de matière qui nous permet d'exister. De nombreuses expériences sont prévues pour mesurer précisément tous ces paramètres des oscillations. Juno sur réacteur en Chine, Orca au large de Toulon, Pingu dans l'Antarctique et Nova et Dune aux États-Unis. Le CNRS est fortement engagé dans plusieurs de ces programmes. La nature du neutrino reste incertaine. Plusieurs expériences recherchent certaines désintégrations rares, dites double bêta. Si elles sont découvertes, cela nous révélera la nature profonde des neutrinos, et en prime, nous donnera la valeur de la masse. Ce serait une percée spectaculaire et certainement un nouveau prix Nobel. D'autres recherches exploratoires visent un quatrième neutrino, dit stérile, car incapable de participer aux interactions avec la matière ordinaire. La recherche sur le neutrino est un axe essentiel pour comprendre et dépasser le modèle standard de la physique des particules. Les prix Nobel qui succèdent, 4 prix sur les neutrinos en une quinzaine d'années, montrent bien son apport. Dans ce domaine, ce sont les expériences qui ont entraîné les découvertes, et les progrès expérimentaux ont été essentiels. L'histoire de ce prix Nobel l'illustre bien. Texte de Hervé de Quéré et Anathaël Cabrera, lu par Johan pour Podcast Science. Bon, ben merci pour ce blog audio, ça avait l'air super intéressant. Il y a quelqu'un qui a écouté ou pas? Oui, tout à fait. J'ai essayé. Franchement, au début, j'étais hyper concentré. Après, j'ai regardé la chatroom. on en sait beaucoup plus sur les pipis, les cacas, les stations de baleines. Maintenant, on est au taquet, là. Voilà. Alors, du coup, on vous rappelle que vous pouvez quoi. Voir ça dans les notes de l'émission. Alors d'abord, peut-être juste où on peut trouver l'original du blog audio. Sur le journal du CNRS. D'accord. Ça s'appelle l'épopée des neutrinos sur le journal du CNRS. Et tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, en contactant les deux chercheurs, donc il y a Hervé de Quéré qui m'a dit que en fait la centrale nucléaire de Chose, donc l'expérience qu'ils font à la centrale nucléaire de Chose est visitable. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Je sais pas exactement où c'est. Je crois que c'est près de la frontière belge, mais je suis pas sûr. Mais voilà, ça se visite. Non, merci, hein, mais du coup, il faudra l'écouter, quoi. Tout à fait. Et donc, on vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur les excréments de baleines, vous pouvez aller revoir la chatroom et les illustrations d'émission dans les notes d'émission. Je suis dégoûté parce que je m'étais vraiment concentré sur le début. Je m'étais dit, c'est bon, je vais suivre jusqu'au bout pour trouver une truc de physique. Et puis, voilà. C'est pas sympa. Faut pas poser de questions à Pierre. Non, faut pas regarder la chatroom, surtout. Pierre, tu devrais faire une FAQ, en fait. Une quoi ? C'est dégueulasse. Tu laisses les gens poser des questions, tu laisses des gens poser des questions pendant 3 jours et tu réponds. Je pense que ça peut aller très loin. Écoute, tout seul, hein, je le fais. Non, mais en tout cas, c'était vachement bien comme question sur ces fameuses... On peut justement revenir sur cette question. Est-ce que les cétacés boivent de l'eau de mer ? Et il s'avérerait que c'est probable. Il n'y a pas beaucoup de preuves et d'observations. Bah, ils en avalent, aussi... de toute façon. Oui, ils en avalent, mais est-ce qu'ils tirent leur eau de ça ? C'est pas obligé qu'ils en avalent beaucoup, hein, ils ont la bouche fermée quand ils nagent. Après, quand ils captent en effet des aliments, ouais, ils en. Quand ils font du karaoké. Quand ils se racontent des blagues. Non, mais quand ils mangent, ils se prennent forcément plein d'eau de mer. Quoi ? Oui, voilà, oui. Non, mais c'est nécessairement, oui, en effet, quand ils mangent, et surtout pour des baleines comme celles qui gobent du krill, bah, nécessairement, il y a beaucoup, mais c'est pas la même chose que boire. Il y a notamment pour les baleines, la technique pour justement capter le plus de krill et l'utilisation des fanons, c'est qu'ils ouvrent la bouche, ils happent le krill, et ensuite, avec la langue, ils déplacent tout un volume d'eau et coincés dans les fanons, vont rester uniquement le krill. Donc il y a quand même une évacuation de l'eau. Donc il y a un minimum d'eau qui rentre à l'intérieur du système digestif. Ouais. Ok. Mais il s'avérait qu'il y en a certains qui peuvent boire. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on passe au retour d'émission ou est-ce qu'on continue à digresser ? Le plus retentissant. Plus ridicule, ouais. Est-ce qu'on ouais. passe au retour ? Attends, quelqu'un a noté ça pour les awards de fin d'année, là ? Ouais, celle-là est bien. Celle-là hein. est pas mal, ouais. Demande. On passe au retour sur les émissions précédentes ou on continue à digresser ? Allons-y. Non, allons-y là, va y aller. Eh ben, en parlant de Grèce. Donc, on a eu un retour sur l'intelligence artificielle. Dossier passionnant, cette nouvelle saison commence bien. Quelques notes en passant. Dans l'exemple du test surprise annoncé, la contradiction logique avec laquelle nous nous accommodons réside peut-être dans le fait qu'une surprise n'en est plus une si elle est annoncée. Le fait que les êtres humains soient capables de s'accorder sur des légendes n'est-il pas la même chose que le fait de pouvoir conceptualiser les choses, construire des abstractions à partir de choses réelles ? Dans la première partie du dossier était évoqué le fait que l'algorithme décrivant les choses avait de lui-même rassemblé et isolé les chats comme un concept. Au final, n'est-on pas encore devant une capacité spécifique qu'un jour ou l'autre les machines seront en mesure de réaliser ? Côté film, il y a aussi le film Automata qui traite de l'intelligence artificielle et de l'évolution. Longue vie à Podcast Science. Merveilleux. Alors moi j'avais plein de petits trucs à rajouter aussi sur ces dossiers là, sur l'intelligence artificielle et sur le deep learning. Il y a eu pas mal de commentaires hyper intéressants, dont un commentaire qui a un peu complété une partie que j'ai tout à fait survolée sur le deep learning, où il y a des réseaux de neurones qui peuvent faire des retours en arrière. Moi j'ai parlé beaucoup de réseaux de neurones qui avançaient sur des couches, et il y en a qui peuvent revenir en arrière, et ça permet en particulier de faire ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé, qui permet à la machine d'apprendre dans le temps. On avait beaucoup parlé du fait de est-ce qu'elle pouvait apprendre dans le temps ou pas, et il y a en effet du deep learning qui est appliqué pour ça, entre autres pour apprendre à jouer aux jeux vidéo, à jouer à gagner aux jeux vidéo ou des choses comme ça. Donc bon, c'est des choses qui sont encore un peu exploratoires, où je sais pas s'il y a des résultats plus parlant que réussir à jouer à des jeux vidéo, plus utilisable en tout cas, mais c'est des choses qui existent et qui méritaient d'être mentionnées. Et ce que je trouve génial, c'est que tous les exemples qui étaient donnés, c'était pour apprendre à jouer à des jeux vidéo, quoi. Il n'y avait pas un seul autre exemple. C'est le seul truc qu'ils essayent de faire. Non, tu rigoles, il y avait de la reconnaissance d'image, il y a de la reconnaissance de son. Ah bon ? Non, il y a plein de trucs assez différents. C'est les seuls que j'ai regardés alors. D'accord. Ah oui, les exemples que lui, il a donnés, oui, dans ce que lui, il a donné, il y avait beaucoup de trucs en jeux vidéo. Mais en fait, quand tu y réfléchis, typiquement, grave. Là, ce qui est pratique aux jeux vidéo, quand je disais qu'il fallait des chiffres, le truc pratique pour apprendre à jouer à un jeu vidéo, c'est que tu as un score et le but de la machine, c'est d'améliorer son score. Donc ça simplifie beaucoup les choses par rapport à dire, apprends. fait marche, tu vois, ce qui, où du coup il faut donner un score sur la marche. Alan, c'est à toi. Ok. Ouais, le message suivant est de Binu14. Tadam ! Non, je suis allé voir justement, on n'avait pas l'information. Donc c'est un message sur Podcast Science sort du placard, le live qu'on avait fait à Paris dans une cave en marge de la Gay Pride en juin dernier. Il nous dit « Un grand merci pour cette émission qui fait suite et complète celle sur le sexe du cerveau. Je suis auditeur de Podcast Science depuis plusieurs années. Je ne m'étais jamais intéressé aux questions de l'homosexualité car j'acceptais par respect des libertés individuelles. Il est évident que ma vision du sujet a complètement changé désormais puisque comprendre permet d'accepter l'homosexualité pour les bonnes raisons. Un grand merci de faire reculer l'obscurantisme, y compris chez les tolérants. Bravo pour l'ensemble des contributions de ce podcast, réellement d'utilité publique. » Bah, merci Bignot, c'était beaucoup de boulot et beaucoup de passion, du coup ça fait plaisir d'avoir des retours comme celui-là. On a des messages d'auditeurs maintenant. Il y a Pascal juste qui me fait une remarque en me disant qu'on peut aussi profiter de parler d'intelligence artificielle donc sur le sujet d'avant pour rappeler qu'il y a un grand retour dans la podcastosphère en plus de notre ami Xyrian. C'est le podcast Vie Artificielle qui revient avec un sujet sur l'IA dans les jeux vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Vie Artificielle, vous avez quelques podcasts à rattraper. David a un rythme de production particulier bien à lui, mais les épisodes sont toujours assez sympathiques. Celui-là, je ne l'ai pas encore écouté, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais je suis sûr que ça vaut le détour. Ouais, je n'ai pas encore écouté non plus. Voilà, ben, on passe au message du coup. Alan, tu voulais nous parler du pain des hamburgers ? Non, je vois ça dans le conducteur aussi. J'ai pas compris. C'est qu'on a eu un message, je crois, mais t'as pas forcément envie d'en venir. Non, on a eu trois ou quatre des messages de gens qui sont dans une qui disaient que. Ouais. Non, mais je pense que ça peut être l'opportunité justement pour rappeler l'expérience que Alan a répétée plusieurs fois, qui permet de savoir si véritablement le pain de McDonald's ou de une autre chaîne de fast-food qu'on ne nommera pas peut pourrir ou pas. Comme ça, tu l'as dit une fois, et puis après, tu renvoies à cet épisode. C'était l'épisode du 15 juin 2013. C'était dans le cadre d'une soirée radio-dessinée à Lyon, au Café de la Cloche, là, une expérience presque parfaite, où j'avais ressorti cette histoire qui ressort régulièrement. Tous les 2-3 ans, on voit cette histoire dans les journaux. Les hamburgers du McDo refusent de moisir. Alors, il y a toutes sortes de spéculations sur le sujet. C'est parce qu'ils sont bourrés d'additifs, etc. Parce qu'on nous fait manger du plastique, parce que le McDo, c'est des gros méchants et tout. En réalité, un journaliste s'est amusé à faire l'expérience avec des hamburgers du McDo et des hamburgers achetés dans le commerce, avec toutes sortes d'hamburgers. Il avait émis pas mal d'hypothèses pour essayer de comprendre. Enfin, d'abord, il a observé qu'effectivement, il ne moisissait pas. Puis, il a émis pas mal d'hypothèses pour tenter de comprendre pourquoi il ne vieillissait pas. L'une de ces hypothèses, c'était une question de géométrie, en fait. Enfin, d'une combinaison de géométrie et de bactériologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum d'humidité dans le pain du hamburger pour que les moisissures puissent commencer à faire leur travail. Et le truc, c'est qu'en raison de la forme du pain des hamburgers et à cause de leur taille aussi, l'eau s'évapore trop vite pour que les bactéries et les champignons puissent commencer à faire leur boulot. Du coup, effectivement, ils se dessèchent, mais ils ne moisissent pas. Et puis, il a tenté des variantes de son expérience en prenant des plus gros buns, des plus gros pains. Ben, au bout d'un petit moment, ça moisit un petit peu quand même avant que la progression des moisissures s'arrête net. Parce que là aussi, à cause de la forme du truc, ça se dessèche. Du coup, ce qu'il a fait pour en avoir le cœur net, c'est qu'il a mis ses hamburgers dans des sachets hermétiques. Du coup, l'humidité ne pouvait pas s'évaporer. Et puis, ceux-là, ils ont parfaitement moisi, qu'ils viennent du McDo ou d'ailleurs. Alors, pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on reçoit toutes sortes de commentaires régulièrement dans les commentaires du billet donc, qui est sur notre site web. Il suffit de taper hamburger, McDo, podcast science, et puis ça sort. Où on nous cite des billets de blog qui sont pas, enfin, dont les sources n'ont pas été vérifiées. C'est souvent des trucs assez militants qui veulent nous expliquer que le McDo est dégueulasse. Alors, McDo dégueulasse ou pas, moi franchement, je m'en fous. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Mon but avec ce billet n'était pas du tout d'encourager les gens à manger au McDo, on s'en fout, mais s'ils le détestent, au moins que ce soit pour les bonnes raisons. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la composition du pain, c'est juste sa forme. Et... Il y avait un autre élément aussi sur lequel là, tu revenais pas, mais qui est aussi un autre élément, c'est que c'est pas parce que visuellement un truc n'a pas changé que ça veut dire qu'il est toujours bon, quoi. Ou toujours pas moisi, etc. Enfin, c'est pas du tout un argument non plus, quoi. Bah, pas moisi, techniquement, un truc sec peut pas moisir, donc c'est effectivement pas moisi. Par contre, c'est sec, quoi. Les bouffées en burger sec. Et puis même, sec. Il peut y avoir des choses qui se passent de manière à l'intérieur, ou ça peut se passer, ou visuellement, ça peut donner très peu de différence. Faut mettre le nez dessus ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu léger de juste dire, bah, je l'ai laissé dans un coin, ça a pas bougé. Fin de l'histoire, quoi. Non mais quand même les gars ils se battent pour c'est quoi l'aliment qui va pourrir le mieux, ouais. Et puis ils comparent même pas avec plein d'autres trucs en fait qui bougent de manière assez particulière aussi, quoi. Enfin il y a plein de trucs, si tu les laisses dans le frigo est-ce très que longtemps, les trucs sans gluten, il y a des trucs si tu les laisses dans le frigo très longtemps ils bougent pas des tonnes, par contre ils deviennent dégueulasses, Justin, donc c'est vrai. Mais en fait là on a affaire à une attitude de... C'est ce que je qualifierais d'une attitude dogmatique, c'est-à-dire qu'on a la réponse avant de poser la question et on tient mordicus à sa réponse. C'est dégueulasse parce que c'est le McDo, point final, quoi, sans se poser... Il n'y a pas de question, en fait. Chercher à comprendre, exactement. C'est anti-scientifique par définition. Ce que je trouvais, en fait, c'est pour ça que je voulais je trouve très rigolo d'en parler. Non, mais ce que je trouvais rigolo, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une expérience scientifique à l'origine, quoi. Que d'essayer de faire varier différents paramètres pour obtenir pour regarder quelle est l'influence de différents paramètres. Donc là, en l'occurrence, la façon dont tu le fais pourrir et le type de pain. Et à la fin, tu regardes quelle est l'influence de tel ou tel paramètre sur la décomposition. Et en fait, oui, non, c'est ça, c'est qu'ils comprennent. Ouais. Donc voilà, mais c'était ça qui m'interpellait. Voilà. Ok. Sinon, okay. D'autres messages ? Alors, j'ai juste retrouvé avant, le message que j'ai lu précédemment était envoyé par Tom's. Alors, on a reçu plein de messages sinon du passé, dont un de Sev. Le voyage dans le passé existe et on peut même y laisser des messages pour l'avenir. Bonjour, je vous écris de juin 2011. Je vous ai découvert avec l'interview de Bruce D'y Penser en 2015 et j'ai écouté les quelques épisodes suivants tellement j'ai aimé que je suis reparti de zéro. Je suis reparti du numéro 1, je vais dire n'importe quoi en fait. Je suis reparti du numéro 1 en septembre 2010. Et même si pour vous je ne suis parti que depuis un mois, ça fera bientôt un an que je suis coincé dans le passé de votre podcast. Je me décide enfin à vous laisser un message pour le futur. De là où je me situe, je vous souhaite, Alan et Mathieu, une bonne continuation et un avenir prospère. J'en profite pour vous prédire, sans trop de risques, une grande réussite et au moins 5 fois plus d'épisodes que ce que vous avez actuellement en juin 2011. Allez, à plus. Et j'espère que la loi de la relativité va me permettre de revenir en 2015 dans pas trop longtemps. Tout est relatif, je peux écouter plus d'un épisode par semaine. Le voyageur du passé. J'adore ce message. À quelques jours du retour vers le futur, enfin de célébration du retour vers le futur, c'est tout à propos. C'est un beau message. Ouais, c'est vrai, très classe. Et on en a souvent des messages comme ça, je trouve. Du passé, non. Ouais. Et finalement, un message de Thomas. Ah oui, celui-là aussi, il m'a fait rire. Bonjour, je suis belge une fois. Je sais que ça vous fait rire. Et dans la région de la Hesbaye, il est assez courant d'entendre octante. Notre région étant assez reculée, le wallon régional y est bel et bien encore vivant. Et donc, certains mots comme octante sont passés dans le français courant, ce qui ne demande pas que poser quelques problèmes de compréhension dans le camping voisin lorsqu'une horde de Hollandais tente de planter octante tente. Voilà, Thomas. PS, non je déconne, en fait personne dit octante ou que ce soit sur le territoire, une fois ni deux. Et donc il faut qu'on relance effectivement, parce qu'on avait posé ça dans un des freestyles. Est-ce qu'il y a quelque part où on dit octante? Parce que je crois qu'en fait, non, il n'y a personne qui dit octante. Ah, mais mon hypothèse se confirme. Hein. Les Suisses croient que c'est les Belges croient que c'est les Suisses, mais personne ne dit octante. Et là, quand même, je viens quand même de passer une semaine dans un truc de francophonie. Donc, il y avait de tout. Il y avait des Belges, des Suisses, des Québécois, des Ivoiriens, des Camerounais, des Algériens, tout ça, machin. Objectivement, il y en avait beaucoup qui disaient 70, il y en avait beaucoup qui disaient 90, il y en avait quelques-uns qui disaient 80, mais octante, je l'ai pas entendu. Et même 80, c'est quand même pas beaucoup, quoi. 80, c'est qui ? Ah, 80, c'est les Suisses, mais c'est trois cantons en Suisse où on dit 80. C'est ça, non, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui disent 80. D'accord. C'est vrai. On passe au don ? Alors les dons, nouveauté de la saison, on en avait déjà parlé lors de l'émission de début de saison, c'est Patreon. Donc on est passé sur un nouveau système de dons beaucoup plus visible et facile à utiliser que PayPal, même si derrière c'est du PayPal. Et donc d'abord et avant tout, on voulait vous remercier pour toutes vos participations, parce que en fait, je sais pas si c'est parce qu'on le voit mieux, mais en tout cas c'est au-delà de plein d'espérances. Alors certaines personnes n'ont pas encore switché leur don PayPal vers Patreon, n'hésitez pas, on va le fermer un jour le PayPal, on est à la bourre, on s'y prend mal, etc. Mais un jour on va le fermer. En tout cas, pour revenir à Patreon, vous êtes déjà 40 de nos patrons, dont 2 au-dessus de 20$, ce qui est assez incroyable, et ça a donné le droit à une carte postale. La première est partie d'un coin du monde, a priori du Brésil, et elle est arrivée. Et on va contacter sous peu le deuxième donateur pour faire partir la deuxième. Donc c'est le palier auquel ça donne droit à avoir une carte postale des membres du podcast. Et sinon, les autres n'ont pas démérité non plus, parce qu'on en est à 159$ mensuel, ce qui fait qu'on a explosé le seuil nombre pizza de 106$. Pourquoi nombre pizza? Parce que 106, c'est le nombre maximum de morceaux de pizza que l'on peut obtenir en faisant 14 coupes. Normal. Et donc la prochaine étape, qui n'est pas encore atteinte, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûr, c'est de gagner une dimension en dépassant le nombre cake de 299. C'est le nombre maximum de morceaux de cake qu'on peut obtenir en faisant 12 coupes. Voilà, voilà. Bon, et sinon, de notre côté, j'avais annoncé qu'on donnerait un peu des updates des dernières boutiques. J'en ai fait un. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. C'est une première chose qui parlait un peu de machine learning, etc. Je vais tâcher d'en faire d'autres. Là, j'ai été pas mal occupé entre le dossier et la NIPConf, mais ça va revenir et je vais tâcher de plus vous tenir au courant de ce qui arrive. En tout cas, ben voilà, juste un grand merci. On est assez content de ça. On espère qu'aussi qu'on va pouvoir papoter sur Patreon. Et donc, à très vite, quoi. Sur cette chère partie My Making Of. Si j'ai pas envie de passer à Patreon, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi, t'as pas envie de passer à Patreon? Bah parce qu'il faut que je fasse des manips pour m'enlever mon truc de PayPal. Il faut que tu donnes justement un protocole pour le faire facilement. Ah bah c'est une bonne, c'est une bonne remarque, j'en sais rien en fait, parce que je sais pas du tout, faudrait que je regarde. Je sais pas comment on se désabonne de PayPal, à vrai dire. Non, attends, comment on se désabonne de PayPal? C'est simple, tu vas sur la page podcastscience.fm/don et puis tu as toujours le lien pour te désabonner de PayPal. Et après, pour s'abonner à Patreon, c'est simple aussi en fait. D'accord. Il suffit de cliquer sur s'abonner. En fait, la seule problématique que tu peux avoir, c'est de dire je veux pas faire de don mensuel, je veux faire un don unique. Ça, le mieux, c'est de nous contacter, parce que dans tous les cas, on va fermer ce Patreon-là, ce PayPal-là, parce qu'on avait des problèmes avec. Et Patreon ne permet pas de faire du don unique. Donc c'est plus ça la problématique. Mais après, je crois que fermer et réouvrir, en effet, on pourrait peut-être sur la page de don le préciser, mais du coup, a priori, c'est pas compliqué, quoi. Faut juste créer un compte sur Patreon. Ok, donc je vais sur la page, je me désabonne sur la page don, je me désabonne de PayPal, et ensuite, passe à Patreon. C'est sur la même page? Non, c'est pas sur la même page. Ah bah bravo. Mais, du coup, t'as raison, faut qu'on précise comment on fait sur la page de don. Voilà, voilà. Nickel. En fait, je pense que je dois être le seul encore sur PayPal. Et ouais, je sais pas, j'ai pas checké. J'ai vu que la plupart des gens, quand ils s'abonnaient sur Patreon, avaient pensé à se désabonner de PayPal. On fait ça à peu près proprement. J'espère qu'il y en a pas qui ont été double chargés, parce qu'on a pas checké de ce côté-là. Si c'est votre cas ou quoi, bon, au pire, vous désabonnez de Patreon à moi ou j'en sais rien. Enfin, ça, vous nous contactez, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on, c'est pas con qu'on précise un peu tout ça. Mais en tout cas, c'est chouette au niveau visibilité. Il y en a plusieurs personnes qui nous ont envoyé des messages principaux de remerciements. Je dis des merci sur Patreon. Je tâche de répondre à tous et je les lis. C'est un espace qui est assez sympa, ma foi. D'autres commentaires, les autres? Je regarde juste la tête de Robin. Il n'a pas tiqué quand tu as dit « J'espère qu'ils n'ont pas été double chargés, je n'ai pas checké ». Non, mais j'écoute plus quand il parle, tu sais. Et tu avais une remarque, Johan? Ouais, moi ça m'énervait quand on disait, parce que c'est le quand tu es sur Patreon et que tu décides de tu deviens un patron quand tu décides de donner. Et moi ça m'énervait parce que je comprenais pas pourquoi patron. Et en fait ça veut dire mécène en français, j'ai cherché. Patrons. Ok. Ah, juste la petite remarque. Un faux ami. Exactement. C'est bien. Non, c'est bien, il faut le dire. C'est assez génial comme mot. Ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire mécène. Ça peut vouloir dire parrain ou marraine si t'es le patron d'un événement. Oui, c'est aussi le truc comme... le patron dans le sens... Le saint patron aussi, c'est celui-là. Voilà, le saint patron, c'est aussi celui-là. Ouais, et puis... Avec ce sens-là, c'est génial. En tout cas, en anglais britannique, un patron, c'est un client aussi. Le patron d'un restaurant, c'est le client d'un restaurant. C'est-à-dire, on a les faux amis. Et du coup, nos patrons sont à la fois nos mécènes, nos parrains, nos clients. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce mot. Et surtout, nos saints. Non, c'est bien, ça, c'est... il faudrait une statue pour chacun, quoi. Nos saints patrons, une statue pour chaque auditeur. Faut qu'ils choisissent une spécialité chacun, hein. Parce que les saints, ils ont leur spécialité. Hein. Merveilleux, c'est vrai. Les saints ont leur spécialité, Robin Jamais. Mais si, c'est vrai. Octobre 2015. Mais c'est vrai, t'as ceux spécialisés dans les voyages, spécialisés dans les. Mais oui, tu fais pas ta prière au même suivant ton problème du moment, tu le sais ça. Faudrait le savoir. Je ne sais à quel saint me vouer. Hein. Exactement. C'est qui les saints des maths? Bah, je doute qu'il y en ait. Euclide, ouais, c'est ça. Avant Jésus-Christ, déjà, il a réussi à être un saint, je sais pas si tu vois. Voilà, voilà, on passe au pitch. Ouais. Allons-y dans la joie et la bonne humeur. Or, Irène n'est pas là, donc je vais le lire pour elle. Alors, qui que vous soyez, si le genre de femme qui vous exalte et vous inspire est de celles qui se font prendre en photo en encombrant les reins et en bombant le torse, alors je crois que vous pouvez vous déconnecter tout de suite. Si vous êtes un sapiosexuel, par contre. Celle dont nous allons parler ce soir était d'une beauté intellectuelle fulgurante, mais d'une humilité de la même ampleur. Sa détermination était d'une puissance rare. Ideste rarement égalée. À la fois maman, épouse, amoureuse et scientifique hors pair, elle a connu la pauvreté et a vu sa mère mourir très jeune. Elle a été aussi bien admirée que décriée en son temps et elle est morte du fruit de ses recherches. Mais elle continue de sauver des milliers de vies tous les jours. Je n'ai qu'à citer ces deux prix Nobel pour que vous l'ayez deviné. J'ai l'immense bonheur ce soir de venir vous parler de Madame Marie Curie. Voilà, donc un double podcast sur Marie Curie si je ne m'abuse. Je ne m'abuse pas alors. Du coup, ce sera quand? Moi, j'y comprends rien, ce calendrier. C'est la semaine prochaine et dans deux semaines, du coup. Ok, très bien. Et est-ce qu'on a encore un membre de Podcast Science chez la tronche en biais pour occuper la semaine où il n'y a rien? Ah oui, du coup, j'ai pas écouté. Je voulais écouter en direct et puis comme ça a cafouillé. Ça s'est bien passé. Ouais, j'ai dit que Godel avait prouvé que Dieu existait, donc c'est bon. Non, bravo. Voilà, voilà. Non, et cette séance, c'était très sympa. Assez intéressant parce que c'était vraiment plus sous le côté sceptique. Donc ça a parlé, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est la tronche en biais qui font des émissions où ils invitent des extérieurs pour parler de sujets la tronche en live pour parler de sujets à consonance sceptique. Soit tu parlais de quoi, de l'erreur en science quand tu y étais allé, Pierre? En fait je voulais parler essentiellement de l'erreur en soi en termes de communication. Ça s'est transformé au début en erreur en science et puis après en communiquer l'erreur quand on est un sceptique et qu'on s'adresse à n'importe qui, à Madame Michu, ta maman, ta grand-mère, etc. Pourquoi que des nanas? C'est pas faux, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Mais peut-être parce que c'est sous-représenté à l'heure actuelle. Et de mon côté, ils m'ont invité pour qu'on papote de Gödel, parce qu'a priori, dans le monde des gens qui croient à plein de choses non scientifiques, il y a beaucoup de gens qui sortent Gödel un peu comme ta gueule, c'est quantique, en disant non, mais il a prouvé qu'on pouvait pas tout démontrer, donc en fait, c'est juste que moi, je suis dans un cadre d'un truc que tu peux pas démontrer, laisse-moi tranquille, quoi. Et donc c'était juste... Je te le redis une dernière fois, c'est Gödel. Merci. Une dernière fois, après il vient chez toi, il te pète la gueule. À coup de théorème d'incomplétude. À coup de baramine. Voilà, voilà. Bon, vous vous rendez compte que je suis en train de meubler pour qu'on trouve une quote, là? Ah, il faut une quote. Une quote, ah, alors, on pourrait quand même aussi... On avait dit quoi? Est-ce qu'on peut parler de caca dans la quote? J'ai cherché des quotes sur les cacas de baleine, mais en fait c'est un peu long, quoi. C'est pas terrible. C'est un peu long. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait sinon être dans le thème de l'émission? Attends, j'en ai peut-être une. Je vais chercher du coup. Tu m'as fait penser. J'ai lu un bouquin complet sur le caca, donc un excellent bouquin qui s'appelle Gut et qui, je crois, est en vente, qui est numéro 1 des ventes un peu partout. Non, c'est Gila Anders. C'est l'incroyable pouvoir de l'intestin ou je sais plus quoi, qui est très très marrant et qui a un chapitre complet sur comment on fait du caca et qui parle après aussi de tout ce qui est l'intestin, etc. Et je crois qu'il y a que les ventes explosent un peu partout et il y a en plus très bien. Attends, un truc sur la roue libre, en fait, on devrait, ça c'est la première, c'est roue libre. Sinon, pour meubler un peu, hein, pendant que vous cherchez une quote, il y a LGJ qui nous parle du saint patron des mathématiciens, c'est Sainte Barbara ou Sainte Barbe, la grande martyre. Mais il me semblait que Sainte Barbe, c'était la patronne des mineurs, non? Non, mais tu sais, ils peuvent avoir plusieurs métiers. Hein. Ah, mais les mineurs et les matheux, c'est la même chose? Bon, on s'en fout, on regarde les vieux grecs, ils étaient patrons de 15 trucs en même temps, ils n'en avaient rien à foutre. Ouais, c'est vrai. Qu'avaient rien à voir. C'était des dieux, quoi, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, les seins, c'est un peu en dessous. C'est vrai que peut-être ils peuvent pas avoir autant de trucs sous la... Mais je suis en train de regarder, du coup, parce que je connaissais pas du tout. Bah, LGG nous dit aussi qu'il y a Saint-Hubert de Liège, qui semble être un saint patron des mathématiciens. Mais il raconte n'importe quoi. Il est fatigant, LGG, parfois, un peu. Ça, c'est un vrai matheux qui a des réponses quand on lui pose des questions. Non, mais qui a compris surtout qu'un matheux, on le croit par défaut. Donc, il dit n'importe quoi, et puis... Non, c'est pas vrai. LGG, on le croit. Nos matheux à nous, là. Sceptique. Et c'est pas une blague, Saint-Hubert de Liège, hein ? Tu vois ? Il est saint patron des chasseurs, des mathématiciens, des opticiens et des travailleurs de métal. Tiens, j'ai une certaine sympathie pour le concept. Extraordinaire. Ah, patronne des architectes, des géologues, des pompiers, des mineurs, des artilleurs, des sapeurs, des canonniers, des artificiers, putain, ça fait mal, hein. Des ingénieurs de combat, des métallurgistes, des démineurs et autres corporations liées au feu. On savait vraiment les pétroliers militaires, non, c'est précis. Les foreurs et les personnels de l'industrie des turbines à gaz. Et les matheux. Les carillonneurs, les égoutiers. Et c'est aussi la patronne de l'école polytechnique. Je me disais. Ben voilà. Parfait. Bon, on prend la citation de Pierre alors. C'est ouais, une situation. Laquelle bah, la dernière, là, celle que j'ai lue. Je sais pas, t'en avais d'autres. Bon, mais politique, bah, celle de Jacques Kerouac, choisis. Ou quoi Jacques Kerouac, quoi. Moi, j'avais vu celle-là qui était pas mal. Tu peux en choisir une autre si tu veux. Jacques Kerouac a dit : Dean était heureux de nouveau. Tout ce qu'il lui fallait, c'était une roue dans les mains et quatre sur la route. Voilà, voilà. C'est ça, ta roue libre. Eh, merde. C'est Kerouac. Et tu peux nous parler de son bouquin où il a écrit ça ? Sur la route. Ouais, j'ai vu le film. C'est tout. Bon, je... moi j'ai lu. Et il y a beaucoup de drogue. Je crois qu'il va être temps. Est-ce qu'on a des plugs ? Dans un mois, c'est trop tôt pour commencer à faire de la pub ou pas ? Non, je te dis. Non, tout à fait. Le 21 et 22 novembre au Palais de la Découverte, on va faire un week-end spécial théorie des nœuds. Et donc tout le week-end, on sera dans le hall avec des stands et on fera des exposés en plus sur la théorie des nœuds. Dans le hall du Palais de la Découverte, c'est ça ? Une bien belle brochette de nœuds. Une belle brochette de tête de nœuds qui va montrer des nœuds. Non, mais la théorie des nœuds, c'est génial. Venez, ça va être rigolo. On a plein de trucs, on est en train d'apprendre plein de trucs qu'on pourra raconter et tout. C'est super chouette. Ça me donne super envie de faire un dossier pour Podcast Science là-dessus. Normalement, j'ai prévu, il y en a un qui est prévu. Ça va être super dur parce que sans images, c'est super dur. Donc venez d'abord au Palais des Découvertes, après vous comprendrez le dossier du coup. Moi, je connais des parasites qui font des nœuds gordiens. C'est vrai, gordiens. Gordiens. On dit gordien. C'est des trucs. Mais ça veut rien dire ça, des nœuds. Que tu as une définition de ça ? Non, c'est des nœuds qui sont censés être absolus. Oui, indéfaisables, oui. Ouais, mais censés être. Donc si on vous dérange, vous le dites. Hein. Non. Mais oh. Non, mais par contre, ça m'intéresse vachement. C'est vrai, il y a des parasites qui font des nœuds pour de vrai ? Oui. Mais c'est juste qu'on les voit s'enrouler un tout petit peu partout. Il y a des parasites ou même les myxines qui font des nœuds justement pour pouvoir évacuer le mucus dont ils s'enrobent pour pouvoir éviter de se faire bouffer par des gros prédateurs. Oh, c'est bon ça. Mais ils font des vrais nœuds ou juste c'est un nœud Je te trouve un gif animé de suite. Parce qu'un nœud, il y a nœud et il y a nœud. Enfin, tu vois, genre faire des... Enfin, tu peux... Enfin, un nœud en coulissant, par exemple, c'est pas un vrai nœud. Si tu tires, il n'y a plus rien. Bah, nécessairement, puisque... ils sont bah oui c'est coulissant parce que sinon ils se feraient un nœud et ils crèveraient quoi. Ah, sauf s'ils font de la marche arrière, je suis désolé. Non, mais après, là je te parle d'un truc, ça ressemble à un poisson quoi. Ouais. Attends, bouge pas. Donc ils font pas des vrais nœuds alors. Bon les amis, on conclut et on passe ça en bonus. On conclut. Ouais, on conclut. Bon, mais attends, t'avais pas un plug aussi sur... Si tu me dis pas quoi, je verrai pas. Ouais, je te donne les mots clés. Jacques Moreau. Rien. Attends, si, oui. Putain, comme le stress. Attends, oui, tout à fait. Jacques Moreau, un ancien chercheur de l'Institut Jacques Monod, qui organisait souvent des expéditions en Arctique, lui tout seul, en fait, il partait avec son fusil, il partait un petit peu en solitaire, etc., en dehors de faire de la recherche sur les xénopes et sur le système endocrinien, si je ne m'abuse. Eh bien, il organise un truc avec Science Ouverte, ce qui devrait potentiellement intéresser Robin. Et bien entendu, il faut que je le retrouve dans mes mails. Oui, faites non, un petit peu de... Enfin, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que je suis au courant, évidemment. En fait, Science Ouverte, donc c'est l'assos qu'on est allé voir deux fois déjà, mais qu'il y a une seule émission qui est passée, mais on ne dira pas pourquoi l'autre n'est pas passée. Et donc, ils organisent effectivement un voyage pour quatre jeunes de Seine-Saint-Denis avec Jacques Moreau. Et donc dans l'article, tout ça. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux raconter d'autre? Ce qu'il faut dire, ah oui, c'est que... Et donc, ils ont besoin de thunes. Et voilà, donc, ils ont organisé un Kiss Bank Bank, que je vais mettre tout à fait un projet qui s'appelle Saut Arctique, que je mets immédiatement dans la chatroom, alors que tout le monde l'a déjà fait, j'ai trop d'un couillon. C'est pas grave. Et donc, pour dire qu'il a déjà obtenu de nombreux soutiens, dont Cédric Villani, médaille Fields en 2010, ainsi que des laboratoires du Muséum d'Histoire Naturelle, et il faut les soutenir parce que c'est une super initiative pour, notamment, ces jeunes du 9-3, mais aussi pour nous, puisqu'ils vont revenir avec énormément d'images, etc. Et que, du coup, on pourrait les inviter, genre. Eh ben, c'est pas toi qui as eu l'idée, figure-toi. Non, mais toi, t'avais eu l'idée d'inviter Jacques Moreau, mais ça serait sympa d'avoir tout le monde au retour. C'est avec vrai. Les quatre. Mais je pense qu'il faudrait que le projet soit financé du coup. Ouais, du coup, ouais. Pour que ça marche. Financé comme ça, après, d'où l'utilité du plug. Avec eux. Ouais, carrément. Merveilleux. Et tant qu'on est dans les plugs vaguement improvisés, est-ce que Pierre, sinon je couperai, hein, c'est pas grave, t'as des choses à nous dire sur la réouverture du Musée de l'Homme? Tout à fait. La réouverture du Musée de l'Homme a été accompagnée d'une part par une campagne de pub toute discutable, puisque nous avons vu... Non. Il y a deux choses à dire. D'une part, c'est très bien. Il y avait un homme et une femme. C'est pas pour autant qu'ils ont changé le nom du musée, puisque ça devrait s'appeler le Musée de l'Humain et non le Musée de l'Homme. Hein. Ouais. Voilà. Donc le Musée de l'Humain, comme on va commencer par l'appeler. Non, mais ils vont réouvrir le salon de la ménagère l'an prochain. Donc. Pas tout à voir. Présidé par Nadine Morano et Christine Boutin. Que disais-je? Oui, le musée de l'humain, c'est très très très bien. Et ce qui serait encore mieux, c'est qu'on organise notamment une visite de ce musée en grand nombre. Pourquoi pas en novembre? Ne sait-on jamais? L'appel est lancé, notamment auprès des conservateurs et travailleurs et chercheurs de musée de l'humain. Voilà. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je suis énervé contre la campagne de pub, en gros, ce qu'il représente, c'est des hommes et des femmes, donc tant mieux, qui se démasquent pour parler du fait que le musée fait peau neuve. Donc en soi, le joke est bien, puisqu'ils se démasquent d'un masque de Néandertal ou autre homme antique. Et ça laisse quand même sous-entendre une vue un tout petit peu finaliste et hiérarchisée de l'évolution, dont vous l'avez déjà entendu 30 millions de fois sur ce podcast, il faut se débarrasser. C'est drôle parce que j'ai vu l'affiche aujourd'hui dans le métro et j'ai pensé à toi et j'étais énervé parce que j'ai pensé à toi. Mais en même temps, moi, le premier truc que j'ai vu, c'est le musée fait peau neuve, il s'enlève la peau. Et après, j'ai réfléchi. Donc, comme quoi, parfois, la com, ça peut outrepasser certains. Moi, j'ai d'abord été énervé et après, j'ai dit, c'est pour ça qu'ils font ça. Voilà. Ouais, comme quoi. Il y a Brognon qui, en parlant de plug, dit il y a le prix La Recherche jeudi soir. Mais bon, en même temps, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir y aller. Le podcast ne sera pas publié d'ici. Donc, comme ça. C'est vrai. Mais il y a au moins 19 personnes en ligne qui pourront y aller. Ah. Bon, sur ce, on conclut ou pas? Attends, puisqu'on parle de plug et de date et tout ça. Ça n'arrête jamais. Ça s'appelle roue libre. Ouais, c'est ça, en fait. La roue libre. Il faut que j'achète du pain demain. Donc... Vas-y, Alan. C'est encore vachement lointain, on a le temps, mais enfin, bloquer la date à tout hasard. On fait notre prochaine émission radio-dessinée à l'initiative de Mel, ça portera sur le plaisir. Ça va se dérouler le samedi 16 janvier, ici à Lausanne, en Suisse. 16 janvier? 16 janvier, ouais. Alors prenez déjà vos billets. J'avais oublié, je ne savais pas que c'était le 16 janvier. C'était pas le 7 février. Ah non, le 7 février, c'est Lyon Sciences. Alors j'allais dire, ouais, le 7 février. 16 janvier. Ouais, il faut bloquer la date aussi. Le 7 février, c'est un dimanche. Il y aura Lyon Science. Et puis, on s'est rapproché pour l'occasion avec la petite équipe d'organisation de Lyon Science de Vulgarisator. Et on va vous faire un truc bestial qui déchire sa race. Quand je dis « on », en fait, c'est surtout Martin Tiano, Monsieur Pourquoi, qui mène tout ça de main de maître. Ça va être vraiment cool. Donc, deux dates à tenir, 16 janvier, 7 février. Enfin, ça vaut peut-être pas la peine d'en parler tout de suite, c'est après, mais... À Lyon, il faudrait qu'on aille voir. Maintenant, il y a un musée mathématique et informatique à Lyon. On pourrait aller les J'en voir. J'en reviens. C'était où? Hein? J'en reviens. Je reviens de Lyon. À Lyon d'hier. Eh ben, t'as pas vu le musée mathématique et informatique, là, t'as raté. Bah oui, je te demande où c'était. Je sais absolument pas où il est. On conclut. On conclut. Non, non, non, non, non. Là, je veux quand même me féliciter. On a eu un don sur Patreon de Maël de 3,14$. Ah, ça c'est beau. Merci, bravo, bravo, bravo. Merci. On devrait faire un palier à 3,14$, ça me fait réaliser. Qu'est-ce qu'on peut donner pour 3,14$? On offre une décimale de pi unique. Une tourte, paille. Une décimale unique. Non, non, de pi. Une décimale. Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, ouais. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. On en fait un 7 et on dit que c'est la 2200... Mais c'est uniquement si tu donnes. Ah ouais, mais pour quel don? Bah pour un don de 3,14. Ouais. Après, tu vois, ça te plaît pas parce que tu veux que ça soit pour non, plus. Non, c'est entre 3,14 et 3,15 du coup. Au-dessus de 3,15, il y a non, plus si le don. Non, mais si tu donnes 31,4. Ah, si tu donnes 31. Ah oui. Ah oui, si tu te le don multiple de pi. 31,41. Je crois qu'on peut pas choisir un palier qui est lié à la divisibilité d'un nombre par un autre. Faudrait que je fasse une feature request à Patreon. Un palier, c'est des valeurs exactes, ouais. Ah, faut qu'on réfléchisse. Ok, bon, on conclut. Ouais, on va conclure. On arrive à la fin de cette émission, du coup. Oh, le dictateur qui est en Donc colère. C'était une émission roue libre, comme vous avez pu le comprendre. Si vous voulez nous faire connaître et partager cette émission ou les autres, n'hésitez pas à le faire sur votre réseau social préféré, Facebook, Twitter, Google+, je le lis parce que c'est marqué, mais bon, soyons sérieux un peu. SoundCloud, Patreon, du coup, donc, quoi d'autre? Notre site internet, bien sûr. Ah oui, il y a iTunes aussi, c'est vrai que ça existe encore, ça. Donc, iTunes, n'oubliez pas de passer aussi sur le site de podcastscience.fm. Beaucoup de poditeurs n'y vont jamais, mais il y a des dossiers écrits, il y a les images qui sont mises dessus, il y a des sources pour aller plus loin, donc vous avez beaucoup d'informations sur le site internet. Tu disais, Alan? SoundCloud, tu sais qu'il y a plus de 1000 personnes qui Tu veux dire les sons SoundCloud. De Claude. Ouais, les sons de Claude. Non, mais c'est pas tant. En fait, on si, si, moi je regarde assez souvent, mais en fait, on est mal notifié des messages, je m'en rencontre souvent mal, quoi. On est notifié des trucs à la con, mais on n'est pas notifié des messages. Mais en effet, ouais, SoundCloud, c'est bien aussi. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires sur iTunes, mais on ne va pas les voir. Mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Ah oui, oui. Tu te rappelles, il y a une époque où on le disait même. Mettez-nous 5 étoiles, ouais, wesh. En plus, c'est par pays. Moi, je ne peux pas voir les commentaires français. Enfin, si, il faut bricoler un truc. Quoi, donc, voilà. Et les Belges, on attend toujours que vous nous envoyiez au moins un panneau pour Billy. C'est vraiment important. On aimerait beaucoup que lui donner ça à son retour. Et... Je me rappelle même plus de ce qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas Billy. De panneau en Belgique, que c'était impossible. Genre, ouais, d'accord. Pas de panneau de circulation. Voilà. Allô. Bon, bah, sur ce, à la semaine prochaine pour parler donc de Marie Curie. Et d'ici là, bah, que servir la science soit votre joie.